Chapitre 39. Cake by the Ocean dans les enceintes. Vincent dansait. Il commençait à s'amuser. Il avait montré son carton d'invitation au barbu, et celui-ci lui avait demandé d'une voix basse et grondante « Qui te l'a refilé ?» Max Wren, ce petit influenceur de merde, c'est la dernière fois que je lui passe une invite à ce connard. Et toi, t'es qui ? » avait demandé l'homme. Un ami, il pouvait pas venir. Le barbu avait hésité en le dévisageant. « Ok, va t'amuser. Mais si je te reprends en merde, Ezra, je te fous dehors, compris ?» À présent, il dansait en compagnie de personnes qu'il ne connaissait pas, sa chemise collée à son dos. Il avait soif. À deux reprises déjà, on lui avait proposé de petites pilules. Il avait décliné. Billy Eilish se mit à chanter. « Ne dis pas merci ni s'il te plaît. Je fais ce que je veux quand je le veux. Mon esprit, si cynique. » Une philosophie de vie constructive, y a pas à dire. Autour de lui, dans la pénombre, les corps en sueur se frôlaient, se bousculaient, s'évitaient en une mêlée indistincte cisaillée par les flots de lumière. Tout à coup, une mini-décharge électrique le traversa. Valek. Sa silhouette venait de passer en direction du bar, à moins de 3 mètres de lui. Même cap et même dégaine de vampire de pacotille. Du Terence Fisher. Ne manquait que les canines. Il le montra à la fille qui dansait à côté de lui. « Tu sais qui c'est ?» Un haussement d'épaule, sans cesser de s'agiter. « Non, mais je l'ai déjà vu. Pourquoi tu veux le savoir ? Comme ça ?» Il suivit des yeux la silhouette de Valek, le vit demander une coupe de champagne à l'extra déguisé en marionnette de sceau. Comme s'il avait senti le regard planté entre ses omoplates, Valek se retourna. Et ils établirent un contact visuel à travers la foule. Un contact trop prolongé pour être innocent. Mais Vincent voulait tester la réaction de l'autre. Il crut deviner de la surprise, de la curiosité et aussi de la méfiance dans les yeux de Valek. C'était cependant difficile à dire compte tenu des éclairages. Finalement, le nouveau venu se détourna pour saisir la coupe que lui tendait le faux Billy. Soudain, une main s'abattit avec force sur l'épaule d'Espérandieu. L'auteur de ce geste avait selon toute évidence l'intention de surprendre, mais aussi de faire mal, car il serra ensuite le trapèze du flic autour de la clavicule, comme s'il voulait le transpercer avec les doigts. « On va dans une autre fête plus intéressante », glissa Ezra Schenkel dans son oreille. « Tu viens avec nous, Vincent le producteur ?» Toujours la même ironie cinglante. « Non, merci. Comme tu voudras, mon petit Vincent, » souffla l'acteur avant de le lâcher. « On y va, les gars !» Espérandieu massa son épaule douloureuse. Sale con. Il avait besoin d'alcool. Il se fraya un passage vers le bar à travers la masse mouvante des fêtards et les raies de lumière qui découpaient la pénombre. Son corps se déplaçait selon une trajectoire quelque peu approximative, qui était un signal assez clair, il avait trop bu. « Tu as oublié que t'es en service ?» Il pensa à Charlène, à Martin, et il eut honte. Il heurta l'épaule d'un type en s'approchant du bar. Son radar anti-collision avait dératé, on dirait. Le type se retourna. De nouveau, le contact visuel s'établit. Il discerna une lueur mauvaise dans le regard de Valek, qui lui évoqua vaguement une aurore boréale du côté de Tromsø. « On se connaît ?»